De ville en ville, je m'arrête. Quelques jours, quelques semaines. Chaque escale, une fête. Avant de reprendre la chaîne. Aéroport et gare. Point de départ sans cesse. Ces lieux de passage bizarres. Où commence chaque promesse. Valise toujours prête pour la prochaine conquête. Car du monde plus